Radio Campus Lille, il est midi. Vous avez entre 15 et 25 ans? Participez au prix Liberté. Trois personnalités ont été sélectionnées par un jury international de 15-25 ans. À vous de les départager. Raif Badawi, blogueur saoudien. Lou Guang, photojournaliste chinois. Greta Thunberg, militante suédoise pour le climat. Votez sur prixliberté.normandie.fr. Vous avez jusqu'au 31 mars. Le prix Liberté est une initiative pédagogique de la région Normandie. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur Radio Campus et que vous nous écoutiez sur 106,6 MHz ou sur campuslille.com, peu nous chaud, l'essentiel est d'écouter Radio Campus, Angle d'Attaque et une émission proposée par Attaque Métropole. Attaque a de TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. À la réalisation, aux choix musicaux et au calendrier militant Florent. Les intervieweurs au complet aujourd'hui avec Louis, Ludovic, l'instigateur du sujet original du jour, René Lascience et Christian au micro. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Un sujet, je le dis, tout à fait original, inattendu, même les gilets jaunes. Ça craque, enfin, titrait Politis en décembre. Enfin, en effet. Les militants associatifs comme nous attaquent, qui depuis 20 ans, ne cessons pas de tenter de convaincre de la nuisance de la politique économique néolibérale, nous, militants, ne laissions pas de nous étonner de l'apathie des gens. On va dire les gens, qui tout soudain se sont soulevés pour faire face à un président qui ne comprend pas, qui ne les comprend pas, puisqu'il ne les connaît pas. Le masque tombe, qui osera encore dire qu'il est de droite et en même temps de gauche. Le néolibéral est touché, qui n'a d'autre de ressources pour faire taire les gens qu'une violence inouï. C'est ce qu'on retiendra de l'ère Macron. Les ecchymoses, les cicatrices, les mains arrachées, les yeux crevés, le cœur meurtri, mutilé, sur ordre, sans excuse, sans contrition. Nous n'avons pas d'invité aujourd'hui. Nous faisons un débat entre nous, militants d'Attaque Lille. On essaie de vous dire ce qu'on a vécu, ce qu'on a compris des Gilets jaunes. On commence par un court rappel historique avec René. Oui, bonjour. Donc, bien, pour les causes, on sait que c'est l'augmentation de la taxe sur les carburants qui est à l'origine du mouvement. Mais très vite, d'autres revendications sont apparues, révélant le profond malaise que traverse la société. Et que la politique et la morgue du gouvernement et du président ont accentué. Alors que parmi ces revendications, on trouve la hausse du pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires, maintien des services publics, le rétablissement de l'ISF, l'amélioration de la démocratie représentative, notamment par le référendum d'initiative citoyenne, et la démission du président de la République. Le 29 novembre 2018, une délégation de 8 gilets jaunes, désignés dans l'urgence par les animateurs du mouvement, communique une liste de 45 revendications dans plusieurs domaines. Transport, pouvoir d'achat, impôts, retraite, aide sociale, travail, démocratie et institutions. Bon, on va voir le détail après. D'accord. On peut parler un peu de l'ampleur du mouvement. Donc à partir du 17 novembre 2018, le mouvement s'organise donc autour de blocages d'axes routiers et de ronds-points. Des manifestations nationales donc dénommées actes qui se renouvellent chaque samedi. Les protestations trouvent un fort écho dans les zones rurales et périurbaines, mais s'étendent aussi aux grandes villes. Le 17 novembre, donc c'est l'acte 1, ça commence très fort. Et selon le ministère de l'Intérieur, plus de 3000 sites sont occupés et près de 300 000 personnes mobilisées. La mobilisation se poursuit dans les semaines qui suivent, principalement en région. Pendant les fêtes de fin d'année, le mouvement fléchit significativement. 30 à 40 000 personnes mobilisées selon le ministère et environ 70 000 selon le collectif des Gilets jaunes. 8e et 9e acte, c'est-à-dire les 12 et 19 janvier, le nombre de manifestants repart à la hausse. environ 80 000 pour le ministère, 150 000 pour le collectif. Et depuis, on note quand même une baisse régulière jusqu'à l'acte 17, c'est-à-dire la semaine passée. 30 000 pour le ministère, 90 000 pour le collectif. Voilà, on peut aussi évoquer, j'imagine, des causes plus anciennes de ce mécontentement soudain, ce qui est assez significatif de ce mouvement. C'est un peu ce que je disais en entrée, quoi. Hein, ça éclate soudainement, alors que c'est pas d'hier que ça doit bouger. Voilà. Louis. Oui, c'est certainement la misère qui préside, pour élargir la focale, c'est la misère qui préside à l'apparition de ce mouvement, et c'est en ça, sous certains aspects, et le premier certainement d'ailleurs, qu'il est réjouissant, parce qu'il est opportun. En fait, il y a une mise en lumière. Me semble-t-il, le premier apport de ce mouvement, c'est la mise en lumière de quelque chose qui n'était pas ignoré de tous, mais qui était occulté. C'est une mise en lumière de la misère. Je pensais en préparant l'émission, je pensais à un parallèle que fait Galbraith dans l'un de ses bouquins, l'économiste américain, entre Tchernobyl et Katrina. Il voyait un petit peu Katrina comme le Tchernobyl américain, au sens où Tchernobyl avait participé de révéler l'imposture soviétique aux yeux du monde. Et puis il faisait un parallèle avec, que je trouvais assez intéressant, avec Katrina, en reprenant les mots d'un, je ne sais plus le nom du responsable américain, qui avait dit publiquement, et on va dire éhontément, à l'occasion de Katrina, nous avons découvert des gens dont nous ignorions tout de l'existence, dont nous ignorions jusqu'à l'existence. On ignorait qu'on vivait comme ça, en fait. Et c'est certainement en cela que le mouvement des Gilets jaunes est d'abord opportun, car il y a une mise en lumière d'une misère absolument effroyable. Oui, et qui date depuis quelque temps, en fait, et c'est ce que j'ai dit, hein, ça fait quand même des années que cette difficulté de vivre, je dis misère, je ne sais pas bien, parce qu'il y a aussi les invisibles qui sont encore autrement, mais ça, on les entendra, si j'ose dire. On en parlera plutôt le mois prochain. Ludovic avait quelque chose. Oui, je voulais juste relativiser un peu le propos, non pas misérabiliste, de mon camarade, mais bon, parler de misère, c'est, par exemple, si tu prends l'extrême misère, par exemple, qui est notamment concentrée dans la ville de Roubaix, tu vois qu'il y a tu peux pas dire que c'est uniquement la misère, parce qu'à Roubaix, on s'est très très peu mobilisé. On y reviendra dans une prochaine émission avec un chercheur qui s'appelle Julien Tapin, qui a beaucoup travaillé sur Roubaix. Roubaix s'est très peu mobilisé sur les gilets jaunes. Or, Roubaix concentre, c'est une des villes les plus pauvres de France, donc des gens extrêmement, qui sont dans une extrême misère. Or, ce que montrent effectivement plutôt les enquêtes sociologiques, c'est qu'on a plutôt des gens qui travaillent, qui sont investis dans les gilets jaunes. Certes, classe populaire, ouvriers, employés, hein, si j'en crois d'ailleurs une des rares enquêtes qui a été menée et dont on peut voir effectivement quelques éléments de conclusions qui ont été diffusés dans la presse. 33% d'employés, 14% d'ouvriers, et on a quelques artisans aussi qui sont présents, et évidemment très peu de cadres, mais voilà, on a quand même des gens qui globalement travaillent, ont une voiture, souvent. Donc, pour travailler d'ailleurs, oui. Ah oui, tout à fait. Donc c'est pas non plus l'extrême misère. Peut-être que voilà, je voulais juste un peu. Oui, bien sûr, c'est parce qu'il s'agirait de s'entendre alors sur la. Un peu nuancer effectivement le. C'est parce qu'il s'agirait de s'entendre sur la teneur indécise de l'idée de misère, mais il y a, me semble-t-il aussi, justement, l'idée que le travail ne protège plus de la misère. En fait. On peut travailler et ne pas du tout s'en sortir. En fait, être acculé au quotidien. C'est ça, c'est les working poor, enfin les travailleurs pauvres. René. Bah, je dirais que c'est le résultat de bientôt 40 ans de politique néolibérale, basée sur les théories que, par exemple, d'Hayek, qui disait que le marché est un ordre juste, selon lui. Malheureusement, il faut constater que non. Le travail ne paye plus, comme tu l'as dit. Le mérite, quand même, des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler ne sont plus récompensés de leurs efforts. C'est aussi, des inquiétudes face à l'avenir, la peur du déclassement, notamment des gens des classes moyennes. C'est aussi bien sûr les injustices et les inégalités croissantes, notamment en matière fiscale et sociale, accentuées encore par la politique de Macron. Et c'est aussi peut-être, plus particulièrement ici en France, le poids de la Ve République et ses institutions vieillissantes. Alors déjà, c'est un pouvoir présidentiel où le président de la République a un pouvoir exorbitant, un côté archaïque dans ce système. Bon, quand je parle du dépérissement des institutions, on peut voir la formation d'une caste et la montée irrésistible de la corruption. Bon, le nombre d'affaires, Cahuzac, Fillon, Benalla, qui s'accumulent depuis des années. Depuis très peu de temps, en fait. C'est pas oui, une petite oui. Pour celle-là. Voilà. Oui. Moi, je pense aussi qu'il ne faut quand même pas oublier la gauche qui s'est éloignée de sa population, en fait. Quoi, hein, le fait qu'il n'y a pas eu une politique de gauche et la gauche représentée, en tout cas, j'exclus ici le Parti communiste, je reviens un peu en arrière, la gauche représentée, le Parti socialiste, a fait sien les théories économiques libérales, et ça a été, c'est la suite de Clinton, de Schröder, de Blair avant en Angleterre, quoi, hein. Et donc, on se sent aussi politiquement dépossédé ou ne plus être représenté. Je pense qu'aussi, ça fait partie des causes. Et d'ailleurs, parfois, les social-démocraties ou socialistes en France ont parfois été plus loin dans l'application de politiques libérales que n'aurait osé le faire la droite. En effet. Laquelle droite, d'ailleurs, maintenant s'oppose à la privatisation de l'aéroport de Paris, alors qu'en 2005, cette même droite avait été l'acteur de la privatisation des autoroutes. Alors, c'est marrant de voir que maintenant, la droite, 15 ans après, se dédie et effectivement semble en tout cas très critique sur cette mesure profondément inique. Bref, c'est un autre sujet. Mais... Non, mais il y a une pétition privatisation de l'aéroport de Paris. C'est le jeu ordinaire, en quelque sorte, du champ du pouvoir, avec une logique un peu de tectonique des plaques, où, puisque de toute façon, l'idée est uniquement celle d'une stratégie de distinction. Si on a perdu une échéance électorale, il faudra gagner la suivante, puisqu'on prenait un repère temporel d'une quarantaine, une cinquantaine d'années maintenant, le champ du pouvoir n'a eu de cesse, en fait, de faire ça. Il y a une forme de théâtralisation des divergences accessoires. Puisqu'on prend 40 ans, on a Chirac qui démissionne en 1976 parce qu'il demande une relance budgétaire. Giscard la lui refuse, il demande une stimulation de la demande. Et puis finalement, en 1981, elle est mise en œuvre, donc on se déplace. Et puis finalement, il y a le tournant de la rigueur. Alors du coup, là, la droite se convertit au néolibéralisme. Et puis en 1995, on revient avec la fracture sociale, uniquement pour se distinguer du candidat Balladur. L'ordinaire jeu de la théâtralisation des divergences accessoires qui cède un peu quand même en ce moment, puisque on a vu que lorsque les revendications des Gilets jaunes se sont multipliées, là on a fait front, il y a eu le bloc bourgeois un petit peu qui se resserre, qui se redensifie, pour dire attention, dans un premier temps c'était pas le cas, on avait une prétendue sympathie de prime abord, spontanée, lorsque les choses se cantonnaient au rond-point, on était quand même assez loin, c'était un petit peu exotique, on regardait ça, on se disait bon, on regardait ça un petit peu comme on regarde une grève, on se dit bon voilà, si ça les amuse un temps, après ils vont se rendre compte que ça coûte cher de faire grève, donc ça leur passera, mais on était quand même assez loin. Ensuite on s'est déplacé dans l'ouest parisien, les lieux de pouvoir, les centres-villes, à Bordeaux, à Lille, à Rennes, à Toulouse, là ça a commencé à changer, les revendications se sont multipliées, on s'est un petit peu éloigné de la seule question fiscale qui permettait aussi ce bloc bourgeois dans un premier temps de feindre de ne pas comprendre, puisque ne dit-on pas que nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, de feindre de ne pas comprendre ce dont il était question, le consentement de l'impôt et répartition des prélèvements obligatoires, feindre de ne pas comprendre en disant « Ah, vous voyez, on se plaint des impôts, c'est donc qu'il y a trop de dépenses publiques ». Ce sont les questions qu'on va retrouver effectivement dans le questionnaire du Grand Débat, hein, où il y a tout un questionnement qui est vraiment très intéressant de ce point de vue. Je ne vais pas le retrouver, mais les questions portent effectivement sur le déficit. Est-ce que vous pensez qu'on peut réduire le déficit à cause de la dette? Ce sont des questions de ce type-là qui sont complètement orientées dans ce sens-là. On n'a pas parlé de réseaux sociaux. Qui dit un mot là-dessus? Parce que ça a quand même une certaine importance, apparemment. Bah, de toute évidence, oui, c'est un mouvement qui s'est constitué en grande partie sur Facebook et qui d'ailleurs vit en partie grâce à Facebook, parce qu'il y a des lives maintenant qui sont organisés. L'un des protagonistes des Gilets jaunes à Lille, toutes les semaines, fait un live Facebook qui est suivi par beaucoup de gens sur Facebook. Alexandre Chantry, tu parles. Je ne voulais pas nommer. Non, mais ça ne fait rien, puisqu'il est passé à Radio Campus, une émission assez intéressante d'ailleurs. Tout le monde aura reconnu de qui je voulais parler. Donc oui, Facebook est vraiment l'un des éléments, en tout cas un des acteurs finalement prépondérants de cette lutte, de ce mouvement effectivement qui a surpris tout le monde, moi le premier. Et du coup, ça interroge aussi la place des médias classiques qui se sont retrouvés un peu vivement critiqués. Et effectivement, je pense que c'est à la faveur de ce mouvement qu'on a vu que là, les médias s'intéressaient très peu à ces populations. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi un des éléments importants de ce mouvement, c'est que la plupart, et l'enquête le montre, l'enquête dont je parlais, la plupart des gens qui constituent le gros des Gilets jaunes, le gros des troupes, n'avaient jamais participé à une manifestation auparavant. Jamais, absolument jamais. Je crois qu'il y a à peu près 48% de gens qui... donc des vrais néophytes de la manifestation, donc des gens dont les syndicats parlaient peu, des gens qui étaient peu visibles, tu parlais d'invisible tout à l'heure, et qui étaient peu visibles par les médias, justement, qui s'intéressent peu... à la question sociale, et du coup les médias s'intéressent peu à eux, ils ont déserté les médias et ont préféré effectivement un réseau social comme Facebook. J'ai une autre explication possible, en fait. Moi, ça ne m'a pas trop étonné qu'ils s'organisent beaucoup sur Facebook, parce qu'on a eu des prémices avec le mouvement des indignés, le printemps arabe en 2011, où ça s'est beaucoup fait sur Facebook. Et moi, ce que je pense, en fait, c'est quand on regarde l'histoire, les grandes luttes s'organisaient sur les lieux de vie où les gens vivent. Et avant, on passait beaucoup de vie, beaucoup de temps dans les usines, au travail. Et donc, naturellement, pour moi, ça s'organisait, les gros mouvements s'organisaient sur ces lieux-là. Ou pareil, les étudiants, ils s'organisent plutôt à l'université parce qu'ils passent beaucoup de temps à l'université. Mais aujourd'hui, le travail n'est pas avec un chômage important, avec la réduction du temps de travail où on a beaucoup de temps à l'extérieur, le recours à de nombreuses chaînes de sous-traitance qui fait que les entreprises sont de plus en plus autonomisées et donc avec de moins en moins de monde. Je pense que du coup, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser comme avant et qu'aujourd'hui, la plupart des gens passent beaucoup de temps chez eux sur le Facebook, notamment comme c'est un réseau très populaire, il y a une masse très importante de personnes qui sont sur Facebook et donc naturellement, les personnes s'organisent via les réseaux sociaux et donc via Facebook. Cette explication-là, c'est une explication pour la situation en France. Alors, c'est pas pareil que pendant les printemps arabes où c'était des endroits où il n'y avait pas de liberté d'expression ou très difficile. Et donc, c'était un moyen de pouvoir communiquer, de pouvoir diffuser de l'information sans se faire arrêter. Mais là, c'était une explication que je pouvais donner là-dessus. Je la trouve tout à fait pertinente et j'y souscris volontiers. Et de toute façon, qui plus est, les échos dans la presse, le mouvement ne trouvait pas d'écho dans la presse ou sinon des échos répulsifs. Donc il fallait également trouver un chemin de traverse pour... René citait le nom d'Hayek, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, puisque on pourrait volontiers, tout à l'heure on parlait de blog bourgeois, on pourrait intégrer volontiers la presse nationale et les publications les plus connu, disons, de la presse nationale dans ce bloc bourgeois, ce bloc idéologique. Et citer Hayek était quelque chose, je trouve, de pertinent, puisqu'il y a effectivement quelque chose d'Hayek et consort, non seulement sur le fond, la théorie économique, mais aussi sur la représentation, en parlant comme ça de masse d'ineptes et d'inaptes, de gens mus par des passions, de hordes d'hurluberlus venus de nulle part, qui n'ont pas voix au chapitre, mais qui s'invitent comme ça dans l'arène publique. C'était, de ce point de vue-là aussi, c'est absolument opportun, le mouvement des Gilets jaunes, puisque c'est un peu bas les masques, en quelque sorte. Oui, enfin, pour revenir effectivement sur Hayek, dans son dernier discours, Philippe, le Premier ministre, a cité deux fois Hayek quand même. Et c'est intéressant. Et puis d'ailleurs, sur ce que tu disais en plus, René, à propos de l'ISF, Macron disait, c'est pas parce qu'il est plus juste qu'on le garde, c'est parce qu'il est plus efficace. Je te laisse la parole, René. Oui, justement, c'était pour dire que, voilà, comme je disais, l'ordre, contrairement à ce que disait Hayek, le marché n'est pas un ordre juste. Et justement, comme l'a souligné Sébastien Samuel Hayat dans un article, d'ailleurs bien très bien fait. Au fond, ce que revendiquent les Gilets jaunes, c'est l'économie morale. Voilà. Et d'ailleurs, ça remonte même au XVIIIe siècle, une sorte de consensus entre le peuple et les puissants. Bah, je laisse Ludovic nous en parler. Oui, c'est un concept qu'il emprunte à un historien anglais qui s'appelle Edward Palmer Thompson, qui a notamment travaillé sur la classe ouvrière anglaise et qui montrait que dès le XVIIIe siècle, les pauvres voulaient, n'étaient pas forcément révolutionnaires, mais voulaient surtout une forme de décence, et que les puissants se comportent de manière, une certaine décence à leur égard en ayant un comportement moral. Donc je pense que les Gilets jaunes ne sont pas dépositaires d'un discours ou de revendication qu'on pourrait qualifier de révolutionnaire, où ils veulent renverser la table. Je pense qu'ils veulent juste simplement qu'on les reconnaisse, où il y a une forme de dignité, et aussi une recherche de dignité dans cette histoire, et que du coup l'idée d'économie morale, c'est un peu ça, c'est de dire on vous reconnaît à votre juste valeur, et vous êtes on assure que vous ayez par exemple accès à des services publics. On n'en a pas encore parlé, mais il y a aussi cette dimension là la désertification d'un certain nombre de services publics est aussi un des éléments qui a, à mon avis, peut expliquer, me semble-t-il, la soudaineté et le surgissement de ce mouvement. On a l'impression de payer des impôts et on ne voit pas le bénéfice, parce que ce qu'on voit, c'est des écoles qui ferment, c'est des maternités qui ferment, etc. Donc il y a aussi cet élément-là, effectivement, qui, à mon avis, est assez important. C'est déterminant. Louis. C'est tout à fait important, simplement pour prolonger, parce que c'est vrai que c'est tout à fait important, cette question-là. On l'a retrouvée aussi dans le dossier consacré en janvier, Le Monde diplomatique aux Gilets jaunes, avec un article qui s'intitulait « Pourquoi maintenant ?» et qui soulignait l'importance de cette rupture dans un espèce d'équilibre un petit peu auquel on avait pu s'accoutumer avec le capitalisme rénant, et de ce déséquilibre qui était né. Et l'un des aspects de ce déséquilibre, c'est effectivement cette disparition de ce qui était des autant d'objectivation du consentement de l'impôt avec ici l'école élémentaire, le bureau de poste, le tribunal d'instance, la maternité. On parle pas mal en ce moment des maternités. C'est quoi bon consentir à l'impôt si aucune objectivation de l'impôt n'apparaît à l'horizon? En effet, on est. J'ajouterais aussi, peut-être pas oublier la crise financière de 2008, où évidemment les gouvernements se sont portés au secours des banques et sans contrepartie, ce qui les a mis à sec, si on peut dire, et entraîné la mise en place de politiques d'austérité dont les premières victimes sont les peuples. Peuples doublement victimes parce qu'ils ont subi la crise économique avec la montée du chômage, etc. Et en plus, le délitement des services publics, Et bien sûr, l'augmentation des taxes, notamment des impôts indirects, qui, comme on sait, sont les plus injustes. Oui, alors moi je reviens un peu sur l'économie morale. Hein. Est-ce qu'on disait tout de suite Louis, Louis et Ludovic. Je pense que l'économie morale, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'on reconnaît, comme dit Ludovic, tout à fait le pouvoir en place. Et le pouvoir en place, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne fait que fustiger cette économie, ce mode de fonctionnement de l'économie, en disant, effectivement, tu as raison, René, il y a une crise, il faut payer la dette. Quoi, hein, alors, on ne peut rien faire d'autre. Et dans les attendus des différents questionnaires du grand débat, c'est nous avons autant de déficits, nous avons autant de dettes, donc il faut faire des économies partout. Et ils demandent dans le grand débat, ils ne s'emmerdent pas, ils demandent dans le grand débat dans quel endroit vous pensez qu'il faut faire des économies, moins d'écoles, moins de maternité, etc. Tout ce qu'on vient d'évoquer. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est dans l'économie morale, c'est qu'en principe, le mode de fonctionnement peut se retourner. C'est-à-dire que dès l'instant où le gouvernement dit « ben oui, on est peut-être allé trop loin, fait son mea culpa », on va vous donner, on va vous redonner un peu d'argent, c'est le cas de le dire, c'est fait comme ça, et donc vous allez vous calmer. Et ben manque de bol, ça n'a pas marché du tout. René, je voulais dire aussi, c'est que bon, malgré la crise, avec la crise, on a demandé des efforts, mais pas à tout le monde. C'est-à-dire que bien sûr, l'oligarchie financière, enfin, les riches et les puissants, au contraire, s'enrichissent depuis, en gros, 2012, s'enrichissent même plus vite qu'avant la crise. Bon, alors que pour les autres, ça stagne, voire ça régresse. Alors, il y a vraiment de quoi sortir de ses gonds à un moment. Et pourtant, puisque tu parles de ceux qui s'enrichissent encore plus vite qu'il y a une dizaine d'années maintenant, en l'occurrence, parmi ces gens, ceux qui se trouvent à la tête d'un certain nombre d'entreprises, et pourtant, ce que l'on peut souligner concernant le mouvement des Gilets jaunes, c'est que la question du rapport salarial est absente. C'est l'un des traits caractéristiques de ce mouvement, et c'est quand même assez intéressant. Ça dit nécessairement quelque chose du temps, de l'époque. Le rapport salarial est absent des revendications des Gilets jaunes. C'est un peu gueux, c'est un peu comme si on ne pouvait plus demander plus de salaire. C'était dans la tête des personnes, c'est pas possible. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'il y a pas mal de Gilets jaunes qui sont des petites PME, qui peut-être sont assez proches du patron. Peut-être éventuellement vont éventuellement défendre, enfin, en tout cas, vont être dans une forme de situation de compréhension, on va dire, du petit patron qui peut-être, objectivement ou non, en tout cas, n'est peut-être pas en capacité d'augmenter leurs impôts. Et du coup, ils focalisent tout sur le pouvoir, notamment en centrant leurs revendications sur la seule et unique personne de Macron. Philippe est très peu, le Premier ministre est très peu cité par les Gilets jaunes. C'est Macron qui concentre. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles effectivement, le rapport salarial ou la question effectivement, des revendications, parce que Macron ne peut pas tout faire, il peut augmenter le SMIC, mais il ne peut pas augmenter les salaires au-delà du SMIC. Et effectivement, ce qui est assez étrange, c'est de ne pas voir que les entreprises, par exemple le MEDEF, à ma connaissance, en tout cas à Lille, le MEDEF, les Gilets jaunes ne vont jamais devant les locaux du MEDEF. Alors, on pourrait tout à fait effectivement imaginer des manifestations à l'endroit du MEDEF. Et donc oui, c'est un peu un angle mort, me semble-t-il, de la... Absolument. De Louis, pouvoir, peut-être. Je pense que ce que disait dans un premier temps Florent est assez intéressant, puisque je pense qu'il y a lieu effectivement de s'interroger quant à savoir dans quelle mesure le néolibéralisme, en ce qu'il n'est non seulement pas réductible à une doctrine économique, mais pas même à une idéologie politique, mais il doit être davantage regardé comme une rationalité, dans quelle mesure le néolibéralisme aurait pu parvenir à une forme de résignation, en fait, de se dire voilà, on a de cesse de nous présenter le jeu comme une course à la compétitivité coûte, et si on ne la joue pas, on perdra. Donc il faut, la peur de la précarité, la peur du chômage, mais ce que tu dis, Ludovic, pourrait être pourrait être regardée comme la conséquence en fait de ça. Et je trouve que c'est particulièrement anxiogène ce que tu disais sur les petites entreprises notamment, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans les écrits de deux auteurs qui avaient publié un bouquin qui s'intitulait L'illusion du bloc bourgeois, Bruno Amable et Stefano Palombarini. Et le néolibéralisme est pourrait se nourrir en fait de la misère sociale qu'il engendre pour voir en fait ce qui pourrait être regardé comme un bloc anti-bourgeois potentiel, les Gilets jaunes, finir par faire corps en fait avec les propriétaires des outils de production, etc., en disant faisons front commun, en cédant à cette idée de faisons front commun, parce que de toute façon il faut jouer le jeu. La configuration néolibérale du capitalisme, elle est ce qu'elle est, pour déplorable qu'elle soit. Elle est ce qu'elle est. Il faut jouer le jeu. Si on ne joue pas le jeu, on passera à la trappe. En fait, si vous voulez pas le chômage, pas la précarité, etc., faisons front commun. En fait, et ça, je trouve que c'est quelque chose de particulièrement anxiogène. Et d'ailleurs, l'un des dénominateurs communs qui a présidé au début du mouvement, c'était bien sûr les taxes sur l'essence, parce que les petits patrons et les ouvriers finalement pouvaient se reconnaître pouvaient tout à fait se reconnaître cette même revendication. Et ça a été très habile de la part de Macron de déplacer ce problème sur la question du SMIC, parce que là on voit bien que ça peut diviser les petits patrons et les salariés. Les salariés ayant, s'il y a quelques SMICards, pouvant évidemment être disposés tout à fait à vouloir et désireux que le SMIC augmente, le petit patron, lui, par contre, n'est peut-être pas forcément désireux que le SMIC augmente. Donc c'était sans doute habile de la part de Macron de déplacer le problème des taxes qui a présidé initialement au mouvement, en le déplaçant vers le SMIC, sachant que le SMIC allait plutôt diviser peut-être le mouvement. Et c'est peut-être à la faveur du fait que Macron est intervenu début décembre que peut-être une partie des gens qu'on pouvait peut-être voir au début du mouvement, notamment les petits patrons, peut-être qu'on les a plus revus après, parce que justement, ils se sont dit que là, il y avait... peut-être que c'est une hypothèse. Ludovic, il y a quand même moins de petits patrons que de salariés de gens précaires. Oui, mais au début du mouvement, il y avait manifestement un mouvement assez interclassiste et il y avait effectivement des indépendants qui étaient présents. Il y a beaucoup d'indépendants et beaucoup d'auto-entrepreneurs, ce qui est autre chose, hein, les auto-entrepreneurs n'ont pas de salariés, d'employés. J'étais étonné du mouvement, ils avaient mis en avant des personnes qui pourraient les représenter, et la quasi-totalité c'était des indépendants. Donc c'était assez des gens indépendants, tu veux dire? Des travailleurs indépendants. Ouais, voilà. Artisans, oui. Et même simplement sur le SMIC, dans cette idée de résignation, c'était certes très habile de la part de Macron, mais même pour ce qui était des revendications des Gilets jaunes, la revendication de la hausse du SMIC, elle était quand même particulièrement modérée. C'était un SMIC à 1300. C'était quand même pas extraordinaire. Il faudrait peut-être qu'on dise un mot aussi sur le résultat de la violence policière dans ce mouvement des Gilets jaunes, qui est tout à fait unique, en France, mais oui, en France, mais pas seulement. Je crois que le spécialiste, celui qui a agressé 4 policiers, il y a des photos dans la presse. Qui tournent toujours, oui. Mais bon, j'ai pas eu grand-chose par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, qui est totalement révoltant. Mais effectivement, c'est un peu sans précédent. Depuis au moins mai 68, les blessures qu'on a pu voir sur les manifestants. Et ce qui est remarquable, c'est que pour beaucoup... de ces blessés, c'était leur première manifestation. Enfin, c'est pas des habitués des manifestations, et ils pensaient pouvoir aller manifester pacifiquement sans risquer de se faire blesser gravement. Et pour certains ont perdu un œil parce qu'ils ne connaissaient pas le risque qu'ils encouraient. Ce qui n'est pas normal, ce risque-là, quand on va manifester pacifiquement. Et donc, ce n'est pas comme on peut le voir dans les médias, comme ils peuvent le dire, des jeunes de quartier qui sont venus débarquer pour tout péter, ou des militants d'extrême gauche qui... qui sont habitués aux manifestations sauvages, qui c'est pas eux qui ont été pour la plupart du temps blessés parce qu'ils savent se protéger, parce que leurs camarades leur expliquent comment faire pour pas se faire blesser par les armes qu'utilise la police. Alors et pourtant, malgré que ça soit des simples citoyens et citoyennes qui sont venus manifester leur ras-le-bol et pour la grande majorité sans aucune intention de violence, la police leur a tiré dessus à coups de flashball ou de grenades anti-encerclement. Alors c'est vrai que peut-être autour d'eux, à côté, ou quelques dizaines de minutes d'avant, des manifestants se sont pris aux forces de l'ordre. Mais en fait, les forces de l'ordre doivent respecter la loi. Et donc, ce que dit la loi, c'est que les forces de l'ordre peuvent faire usage de leurs armes lorsque leur vie et leur intégrité physique ainsi que celui d'autrui sont menacées. Dans tous les cas, la légitime défense des forces de l'ordre est régie par des principes absolus d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Donc, ça va être juste pour se défendre à un moment donné à l'encontre de personnes menaçantes. Et on voit dans tous les témoignages de personnes qui sont fait blesser, des photos, des vidéos abondent que cette règle n'a pas été respectée. Et également dans le cas où des manifestants ont été blessés gravement. Un tir de flashball à la tête sur des manifestants immobiles qui lèvent les bras, lancement de grenades de désencerclement dans la foule, sans qu'ils préviennent qu'il ne faut surtout pas s'en approcher, parce qu'on ne peut pas savoir une grenade qui tombe comme ça, un manifestant, il n'est pas au courant qu'il faut pas rester à côté ou qu'il ne faut pas la ramasser. Ce n'est pas pareil que les grenades de gaz lacrymogène. Ça, il ne savait pas. Et les témoignages abondent, et notamment, j'ai trouvé l'excellent reportage dans Envoyé spécial, qui a été diffusé le 13 décembre sur France 2, donc, que vous pouvez voir encore en replay, ou qui montre bien tout ça. Ils ont fait un très bon travail, pour une fois. Enfin, pour une fois, Envoyé spécial font souvent du bon travail, mais dans les médias mainstream et en heure de grande écoute. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas forcément tirer la pierre sur des nombreux policiers. On va pas généraliser sur les nombreux policiers qui peuvent faire leur travail de manière très professionnelle. Mais le problème du maintien de l'ordre, c'est que ici, on a vu beaucoup sur les images de policiers ceux qui tiennent des flashballs. C'est pas des CRS. C'est la plupart du temps, c'est des policiers. On le voit sur leur casque, ils ont des traits bleus. Ce n'est pas les CRS, les CRS ont des traits jaunes. Et ce n'est jamais eux qu'on voit tirer sur des flashballs ou taper sur des manifestants. C'est soit des policiers en civil, ou soit ceux qui ont des casques avec des traits bleus. Et même parfois, donc ça peut être les policiers en civil de la BAC, qui ont peut-être une formation de maintien de l'ordre, mais qui sont quand même très violents la plupart du temps, ou de simples policiers de caserne, hein, comme on dit, qu'ils n'ont aucune formation au maintien de l'ordre. C'est ça qui est scandaleux, parce que ceux qui ont une formation ne savent quand il faut recourir à la force et quand il ne le faut pas. C'est très encadré. Mais ce que je déplore beaucoup, c'est que du coup, les policiers, ils font esprit de corps et ils protègent ceux qui peuvent considérer qu'ils ne font pas bien leur travail, ils les protègent de toute façon. Ça, c'est quand même regrettable. Il y a des exceptions, il y en a certains qui peuvent le dénoncer de plus en plus, heureusement. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Oui, de... non, pas trop, parce qu'il faut quand même un mot. On peut peut-être donner quelques chiffres aussi. Chiffres, il y a David Dufresne, un journaliste là, qui effectivement a fait un travail remarquable, d'ailleurs, qui a été honoré d'ailleurs, d'un prix. Et qui comptabilise à ce jour 2200 blessés, dont 214 à la tête, 22 éborgnés, 5 mains arrachées, et un nombre incalculable de condamnations, 1796 condamnations, et 8000, plus de 9000 interpellations. C'est absolument énorme. Depuis le 17 novembre, c'est absolument... Sans précédent, 8400 interpellations. Alors, il nous reste, on va essayer de dire ce qu'on en pense, nous, de ce qui va se passer maintenant. l'après-gilet jaune. Comment voyez-vous ça? Sale question. René. On pourrait dire, on ne sait pas, tout est encore possible. Ah, t'as pas avancé en disant ça. C'est dur parce que c'est compte tenu de ce qu'a été le passé récent, qui va avoir envie de désespérer Billancourt en quelque sorte, parce que je pense qu'il il est davantage opportun d'encourager sans savoir ce qui adviendra, en se disant advienne que pourra en quelque sorte. Mais je trouve que trop y réfléchir de manière pragmatique, c'est presque céder à désespérer Billancourt. Tu laisses entendre que tu as une vision un peu pessimiste, c'est ça Ou alors je m'empresse de l'être de peur d'être déçu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'au mieux, ça a politisé beaucoup de gens. Les gens se sont rencontrés, ont discuté. Si ce mouvement-là en particulier, qu'on appelle mouvement des Gilets jaunes, ne continue pas, il y en aura un autre qui sera encore d'une puissance encore plus importante, parce qu'il y aura eu derrière cette politisation. Ludovic, il est en train de parler. Oui, je pense que je pense que les causes sont toujours là, elles sont toujours présentes. Donc je pense que potentiellement, dès lors que les causes sont toujours là, je pense que potentiellement la colère exprimée par les Gilets jaunes restera latente. Alors, est-ce que ça va s'exprimer? Je pense qu'effectivement, c'est un mouvement qui a duré 3 mois, il faut le dire. Déjà, c'est du jamais vu, plus de 3 mois que ça dure. On n'a jamais vu un mouvement tenir aussi longtemps. Et force est de constater, le problème, c'est qu'effectivement, je suis assez d'accord avec mon camarade, je suis assez pessimiste. Je pense que depuis quelques semaines, Macron a repris la main. Absolument. On verra peut-être le résultat des élections. Il a joué très, très habilement sur le grand débat, qui lui a permis de gagner du temps, de montrer qu'il était à la manœuvre, de reprendre effectivement l'agenda médiatique. Et puis là, il y a une usure du mouvement, c'est-à-dire qui est inhérente à tout mouvement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manifester tous les samedis. Et donc forcément, à un moment donné, Macron pourra dire écoutez, oui, c'est fini, les Gilets jaunes, vous voyez. Louis et René. Simplement pour préciser mon propos, puisque j'ai évoqué mon pessimisme, mais je veux préciser néanmoins, ce qui vient d'être dit est absolument essentiel. Il y avait quelque chose de splendide dans ce qui s'est passé. Il y a eu des instants absolument splendides. Je ne vais pas le mettre au passé, pas déjà, c'est l'acte de l'actualité présente dont nous discutons. Il y a quelque chose de remarquable. Et il y a une crainte, c'est vraiment, je l'ai esquissé tout à l'heure, me semble-t-il, le néolibéralisme est quelque chose qui ne peut être sous-estimé, sauf à tendre la joue pour mieux être giflé. Ça n'est pas une doctrine économique, ça n'est même pas une idéologie politique, c'est vraiment une rationalité. Et je pense que c'est particulièrement difficile à combattre, c'est particulièrement long à combattre. Mais je pense aussi que le combat passe par des manières alternatives ainsi de faire de la politique. Et de ce point de vue-là, j'y insiste, le mouvement des Gilets jaunes était absolument opportun. René. J'irais même qu'au-delà d'une rationalité, moi, c'est simplement le moyen pour les possédants de se maintenir au pouvoir, de conserver leurs privilèges et leurs richesses. De plus en plus, c'est ça, parce qu'économiquement, ça ne veut pas dire que ce soit brillant. Pour l'ensemble de la société. Et puis, il n'y a aucun projet. C'est une rhétorique que j'ai un peu du mal à faire que j'ai un peu de mal à faire mienne, cette idée des 1% en fait, ou des 0,1%. Je trouve que c'est un peu un leurre. En fait. Je pense à récemment un bouquin, puisqu'on ne va pas avoir le temps de développer, donc je renvoie juste vers un bouquin sur les classes sociales en Europe. J'ai plus les trois auteurs, j'ai simplement Alexis Spire. C'est un peu un leurre, les 1%. Ça manque de stratification dans l'appréhension sociologique d'une société. Bien sûr. Ce qu'on pourrait espérer de mieux, ça serait une jonction de trois mouvements. Ce qu'on peut appeler le mouvement vert de l'urgence climatique et écologique, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement syndicaliste rouge, le vert jaune rouge. Ça pourrait se passer de mieux aujourd'hui. Pour l'instant, on en est loin. Ajouter aussi que le mouvement des Gilets jaunes a fait des émules à l'étranger, en Belgique, Allemagne, etc. pas pour la révolution européenne, mais c'est pas toujours tout de suite. On va s'arrêter là. Oui, pour une petite pause musicale. Merci Florent. La rage de Kenny Arcana. On passe aux actualités d'attaque. Oui, alors tout d'abord au plan national, eh bien, fin janvier, Attaque avait lancé l'autre questionnaire du grand débat, donc une alternative au grand débat national du gouvernement. Le 8 mars, c'était la mobilisation internationale pour les droits des femmes. Attaque était signataire de cette initiative et solidaire des rassemblements prévus en France. Campagne fin du monde, fin de mois, même combat pour la justice climatique. Plutôt que de faire payer les plus pauvres, des propositions existent qui permettraient d'orienter les politiques vers une réelle transition écologique. Attaque porte 14 propositions concrètes pour lutter contre les dérèglements climatiques, notamment, j'en cite quelques-unes, mettre fin aux exonérations de taxes carbone pour les pollueurs industriels, garantir et développer les lignes ferroviaires du quotidien, voyageurs et frais, financer un vaste plan de rénovation et d'isolation des bâtiments existants, rapprocher les services publics et les activités économiques des lieux d'habitation, stopper immédiatement les investissements publics dans les énergies fossiles. Le 15 mars, donc, c'était l'appel à la grève pour le climat de la jeunesse qui a été relayé dans plus de 130 ou 150 villes. Je cite Greta Thunberg, la lycéenne suédoise est un peu l'emblème de ce mouvement. Pourquoi devrions-nous étudier pour un futur qui n'existera bientôt plus, alors que personne ne fait rien pour le sauver? Et le 16 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est la journée d'Action Climat et aussi la campagne hashtag Acte Commun. Nous marcherons ensemble pour un printemps climatique et social. Appel de plusieurs dizaines d'associations, de syndicats et d'ONG dans une tribune publiée le 13 mars sur le site de France Inter. Samedi 16 mars à 15h, dans toutes les marches, les rassemblements et mobilisations qui auront lieu partout en France, posons un genou à terre pour dénoncer toutes les formes de violence et de répression subies par celles et ceux qui s'engagent pour la justice fiscale, sociale ou climatique, pour défendre leurs droits ou pour réclamer des conditions de vie décentes. Dans le même temps, unissons nos mains pour marquer notre volonté de ne plus reculer et de faire front ensemble. Les abeilles attaquent le siège de Bayer-Monsanto. Alors c'était avant-hier, jeudi 14 mars, à la veille des mobilisations pour la justice climatique, des dizaines de militants et militantes d'attaque déguisés en abeilles se sont rassemblés devant le siège de Bayer-Monsanto à la Garenne-Colombes, ayant installé une scène de crime écologique. Son objectif, dénoncer les impacts désastreux et irréversibles de Bayer-Monsanto sur l'environnement, la nature, le vivant, et appeler à une mobilisation massive pour les 15 et 16 mars. Campagne autour de l'Union européenne, décrypter et désobéir. En prévision des prochaines élections européennes, qui auront lieu le 26 mai, attaque avec la Fondation Copernic vient de sortir un livre sur l'Europe. Cette Europe malade du néolibéralisme, l'urgence de désobéir. Et ce livre est en même temps l'annonce d'une campagne d'information et de proposition. Cette campagne comportera deux phases, décrypter l'UE en mars et début avril et désobéir aux traités en avril-mai. Pour la proposition de loi désinvestissement de l'épargne populaire. Cette proposition de loi se voulait une traduction législative de la campagne hashtag pas avec notre argent menée par ATTAC et 350.org afin que l'épargne collectée par la Caisse des dépôts et consignations ne serve plus à financer des entreprises et des projets liés aux énergies fossiles. Le 7 mars, les députés de la majorité ont malheureusement fait la démonstration de leur retard en la matière en vidant la proposition de toute substance. Résurrection du TAFTA, à voir. Les députés européens devaient se prononcer le 14 mars. Résultat, il n'y a pas de résolution du Parlement européen, ni pour soutenir, ni pour rejeter l'ouverture des négociations. L'important du vote, c'est que le vote des amendements indique qu'il y avait une majorité de députés européens appelant à rejeter les mandats de négociation sous leur forme actuelle. Et le plus important, c'est que désormais la balle est dans le camp du Conseil européen, c'est-à-dire côté français, d'Emmanuel Macron et de ses ministres. Au plan local, alors, eh bien, pour rappel, notre conférence sur la gratuité des transports en commun, c'était le 21 janvier à Roubaix qui a été un grand succès. Il a rassemblé une centaine de personnes. Bon, les marches climat, bon, nous y participons. Quelques d'entre nous étaient présents à la marche des jeunes hier. Et cet après-midi, bien sûr, nous y serons aussi. Et enfin, le parc Saint-Sauveur. Alors, nous sommes toujours fortement impliqués dans la campagne de l'association Parc contre le projet immobilier de Saint-Sauveur et contre la piscine olympique. Et d'ailleurs, à Tacly, plusieurs d'entre nous ont déposé leur contribution au complément d'enquête publique qui s'est déroulée du 22 février au 8 mars. Oui. Voilà. Très bien, c'est à Florent un long... Oui, alors... Donc, cycle de conférences à Sciences Po Lille, notamment sur un thème en rapport avec le mouvement des Gilets jaunes, intitulé « Maîtrise de la violence ou dérive préoccupante des forces de sécurité ?» point d'interrogation avec Samy Maki, maître de conférences à Sciences Politiques à Sciences Po Lille. Donc, ça sera le mardi 19 mars à 18h, donc Sciences Po, 9 rue Auguste Angelier, je crois, à Lille. Autre rendez-vous en rapport avec le mouvement des Gilets jaunes, le jeudi 4 avril à 19h au café coopératif Les Sarrasins, donc rue des Sarrasins à Lille, organisé par la société Louise Michel de Lille, qui invite Samuel Hayat, qui fut un des premiers chercheurs militants à s'exprimer sur ce mouvement. Très tôt, il a tracé les contours de cette mobilisation par l'intermédiaire de deux articles qui ont reçu un écho indéniable et qui ont contribué à mieux cerner les particularités de cette révolte populaire. Du 18 mars au 1er avril, l'APU fête ses 40 ans de lutte pour la ville. Dès lundi, 19h, parole d'habitants, conférence de débat sur la question du logement et de l'habitat à Lille autour des propositions portées par les APU avec la participation de Muriel Rueff, avocate au barreau de Lille, et de Cécile Vignal, co-autrice de Sociologie de Lille, qu'on a parlé dans notre émission. Ça sera à la Bourse du Travail de Lille FIV, lundi à 19h. Dans le même cadre de ces fêtes de 40 ans de l'APU, d'autres rendez-vous sont prévus, notamment sur la démocratie et le tirage au sort, le lundi 25 mars à 18h30 à la Mrest, ou bien la projection du documentaire Terra Mo Tourisme, le mardi 26 mars à 19h à l'APU de FIV, 57 rue de Flers. Donc vous pouvez retrouver tout le programme sur le site apuvieuxlille.org, tout attaché. Le mercredi 20 mars à 20h, à la Mresse, les Amis du Monde Diplomatique vous invitent pour une rencontre avec Hassen Belmessou autour du dernier livre « Les laboratoires de la haine, enquête sur la face cachée du frontisme municipal ». Le Front National, Rassemblement National, dirige depuis mars 2014 11 villes françaises, contrairement à la première expérience frontiste des gestions municipales où son action était tant localement que nationalement observée par de nombreux acteurs sociaux, on constate qu'il agit aujourd'hui sans contrôle. Or, l'enquête sociale exposée dans ce livre révèle l'emprise et l'idéologie différentialiste avec en arrière-plan une stratégie de gestion de l'espace public nourrie de la préférence nationale, a fait de ces deux communes des laboratoires de la haine. Également, Lanciné organise la troisième édition de son festival de films sous licence libre ou de libre diffusion, intitulé « Nos désirs sont désordre », désordre en un mot. Pendant trois jours, des œuvres sur le thème de la critique sociale dans lesquelles seront mis en avant d'autres manières de penser la société. Le week-end sera aussi l'occasion de faire des films à travers un kino, atelier organisé en parallèle du festival et dont les films seront projetés lors de la clôture. Séance d'ouverture le vendredi 22 mars avec la projection d'un documentaire à 20h15 au cinéma L'Univers à Lille, intitulé TPBAFK, The Pirate Bay Away from Keyboard de Simon Claus. Les créateurs de The Pirate Bay, l'un des plus grands serveurs de torrent du web, sont confrontés à la réalité de la vie loin du clavier. Les géants d'Hollywood leur intentent un procès pour piratage de droits d'auteur. Retrouvez donc aussi les autres rendez-vous de ce week-end sur le site lanciné.tuxfamily.org. Autre festival du 12 au 30 mars, chez Violette organise le festival Écologie et Féminisme. Notamment un ciné-débat intitulé « Ni les femmes, ni la terre » à l'univers en présence de trois réalisatrices du film Marine, Lucie et Colline. Le samedi 30 mars, ça sera donc le samedi 30 mars à partir de 14h30. Donc ce documentaire est tourné comme un voyage en itinérance autour des luttes ayant trait au corps et au territoire. En Argentine et en Bolivie, le film suit au plus près celles qui luttent contre les violences faites aux femmes, le système Monsanto et la destruction de l'environnement par les entreprises extractivistes. Il met en évidence le parallèle entre les logiques d'appropriation capitaliste, coloniale et patriarcale de la terre et des corps des femmes, compris comme potentiellement source de profit. On va s'arrêter là. Oui, vas-y. Un mot quand même, n'oubliez pas, si vous n'avez pas le temps, d'aller, la possibilité d'aller à ces différentes conférences, je vous conseille d'aller trouver Endemosphère sur le net. Et moi, je vous conseille vivement la lecture de François Ruffin, Ce pays que tu ne connais pas, que je viens de terminer de lire. Ce pays que tu ne connais pas, c'est le titre qui a été choisi par l'éditeur, parce que François Ruffin s'adresse à Macron tout au long de ce livre, mais il le vouvoie bien sûr. Bon week-end, prenez soin de vous et à la manif cet après-midi.